l'ancien du jour. Nous voulons élever ta sainteté. Nous voulons te dire à combien tu es bon, Seigneur, à combien tu nous fais du bien chaque jour, Seigneur. Sainteté à ton nom. Mama.